Le pain. Il arriva une chose pitoyable aux dernières canicules, tant bien dangereux toujours. Un homme de mon village, pour faire accueil à des parents et des amis venus le visiter à l'occasion de la Ducasse, prit dans sa huche un joli pain blanc de froment, de 75 ou 100 livres, je ne sais plus au juste. Il affila son couteau sur la montée, entama la miche et la fendit, mais si vivement que lui-même, à hauteur de poitrine, se coupa en deux à travers tout le corps. Le couteau, tiré avec tant de force, alla ensuite jusqu'aux manches, s'enfoncer dans le mur de pierre où le bonhomme s'était adossé. La fête en fut troublée, les parents et les amis bien ébahis. Toutefois, ce fut encore le pauvre diable qui y perdit le plus. Mais il n'en dit mot. Entrailles, cœur et boursette, aux amis doivent être ouvertes.